Ah, vous revoilà. Vous ne vouliez pas manquer le deuxième épisode de L'œil du loup ? Je vous comprends. C'est tellement vivant, tellement émouvant, tellement... Bon, on y va ? Oui, Camille, tu as raison. Alors, où en étions-nous ? Il y a ce garçon étrange planté devant la cage du zoo, œil dans l'œil avec le grand loup bleu, borgne et solitaire. Et voilà que le gamin entre dans l'œil du loup pour découvrir toute son histoire, depuis son enfance de louveteau dans le Grand Nord. En passant par sa capture au cours de laquelle il perdit un œil, et sa triste vie d'animal captif, de zoo, de cage en cage. Jusqu'à ce jour où arrive dans son enclos une louve grise et blanche comme une perdrix des neiges, apportant avec elle des histoires du Grand Nord et de la famille de loups bleus. Voilà. Ce fut après cette conversation que Loup Bleu accepta la compagnie de Perdrix. Elle était gaie. Ils échangèrent leurs souvenirs. Les années passèrent. La semaine dernière, Perdrix est morte. C'est ainsi qu'on arrive au présent. À ce moment présent, justement, où Loup Bleu est assis dans son enclos vide, assis en face de ce garçon. Œil dans l'œil, tous les deux, avec le grondement de la ville en guise de silence. Depuis combien de temps se regarde-t-il ainsi, ce garçon et ce loup ? Le garçon a vu le soleil se coucher bien des fois dans l'œil du loup. Non pas le froid soleil de l'Alaska, celui-là, avec sa lumière si pâle, on ne sait jamais s'il se couche ou s'il se lève. Non, le soleil d'ici, le soleil du zoo qui disparaît chaque soir quand les visiteurs s'en vont. La nuit tombe alors dans l'œil du loup. Elle brouille d'abord les couleurs, puis elle efface les images. Et la paupière du loup glisse enfin sur cet œil qui s'éteint. Le loup reste là, assis face au garçon, bien droit, mais il s'est endormi. Alors, le garçon quitte le zoo sur la pointe des pieds, comme on sort d'une chambre. Mais tous les matins, lorsque Flamme Noire, Cousin Gris, les rouquins, Paillette et Perdrix se réveillent dans l'œil du loup, le garçon est là, debout devant l'enclos, immobile, attentif. Le loup est content de le revoir. Bientôt tu sauras tout de moi. Le loup rassemble maintenant ses plus petits souvenirs, tous ses jardins zoologiques, tous ses animaux de rencontre, prisonniers comme lui, si tristes, tous ces visages d'hommes qu'il faisait semblant de ne pas regarder, pas très gais eux non plus. Les nuages des saisons qui passent, la dernière feuille de son arbre qui tombe, le dernier regard de Perdrix, le jour où il décida de ne plus toucher à sa viande. Jusqu'à ce moment précis où se présente le tout dernier souvenir de Loup Bleu. C'est l'arrivée de ce garçon justement devant son enclos, un matin au début de l'hiver. Oui, mon dernier souvenir, c'est toi. C'est vrai. Le garçon voit sa propre image apparaître dans l'œil du loup. Ce que tu as pu m'agacer au début. Le garçon se voit, debout dans cet œil, tout rond, immobile comme un arbre gelé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut ? N'a jamais vu de loup ou quoi ? La respiration du garçon fait de la buée blanche dans l'œil du loup. Je me disais, il se lassera avant moi. Je suis plus patient que lui. Je suis le loup. Mais dans l'œil du loup, le garçon n'a pas l'air de vouloir s'en aller. J'étais furieux, tu sais. En effet, la pupille du loup se rétrécit et s'élance comme une flamme autour de l'image du garçon. Et puis tu as fermé ton œil. Vraiment gentil, ça. Tout est calme maintenant. Il se met à neiger doucement sur ce loup et sur ce garçon, les derniers flocons de l'hiver. Mais toi, toi, qui tu es toi, hein ? Qui es-tu ? Et d'abord, comment t'appelles-t-on ? Ce n'est pas la première fois qu'on demande son nom au garçon. Les autres enfants, au début... Hé, hey, toi, tu es nouveau par ici ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce qu'il fait, ton père ? T'as quel âge ? T'es en quelle classe ? Tu sais jouer au belvédère ? Des questions d'enfants. Mais la plus fréquente était justement celle que le loup venait de poser à l'intérieur de sa tête. Comment tu t'appelles ? Et personne ne comprenait jamais la réponse du garçon. Je m'appelle Afrique. Afrique ? C'est pas un nom de personne, ça, c'est un nom de pays. On riait. C'est pourtant comme ça que je m'appelle, Afrique. Sans blague. Tu rigoles ? Tu te moques de nous ou quoi ? Le garçon choisissait un regard bien particulier et demandait calmement. Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Il n'en avait pas l'air. Excuse-nous, on plaisantait. On ne voulait pas te... Le garçon levait la main et souriait doucement pour montrer qu'il acceptait les excuses. Bon, je m'appelle Afrique, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Umbia. Je m'appelle Afrique Umbia. Mais le garçon sait bien qu'un nom ne veut rien dire sans son histoire. C'est comme un loup dans un zoo, rien qu'une bête parmi les autres, si on ne connaît pas l'histoire de sa vie. D'accord, loup bleu, je vais te raconter mon histoire. Et voilà que l'œil du garçon se transforme à son tour. On dirait une lumière qui s'éteint, ou un tunnel qui s'enfonce sous la terre. C'est ça, un tunnel, dans lequel loup bleu s'engage comme dans un terrier de renard. On y voit de moins en moins à mesure qu'on avance. Bientôt, plus une goutte de lumière. Loup bleu ne voit même pas le bout de ses pattes. Pendant combien de temps s'enfonce-t-il dans l'œil du garçon? Difficile à dire. Des minutes qui paraissent des années. Jusqu'au moment où une petite voix retentit au fond de l'obscurité pour annoncer. Voilà, loup bleu. C'est ici l'endroit de mon premier souvenir. Une nuit terrible, une nuit d'Afrique sans lune, comme si le soleil n'avait jamais brillé sur terre. Et un vacarme avec ça, des cris de panique, des galopades, de brefs éclairs qui jaillissent de tous les côtés, suivis de détonations, comme la nuit où loup bleu s'est fait prendre. Et bientôt, le crépitement des flammes, de la lumière rouge et des ombres noires plaquées sur les murs. La guerre, ou quelque chose comme ça. Des incendies partout, des maisons qui s'effondrent. Toa, Toa ! C'est une femme qui crie en courant. Elle porte quelque chose dans les bras et appelle un homme qui rase les murs en tenant un immense chameau par la bride. Toa, le marchand, je t'en prie, écoute-moi. Si tu crois que c'est le moment de bavarder... Ce n'est pas pour bavarder, Toa. C'est pour l'enfant. Prends cet enfant et emmène-le loin d'ici. Il n'a plus de mère. Elle tend le paquet qu'elle tient dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un si petit enfant? Il serait tout juste bon à boire mon eau. Des flammes jaillissent soudain d'une fenêtre voisine. Toa sent les poils de sa moustache grillée. Ah, l'Afrique, maudite Afrique. Je t'en prie, Toa, sauve l'enfant. Plus grand, il racontera des histoires, les histoires qui font rêver. Pas besoin de rêver, moi. J'ai bien assez d'ennuis avec cet imbécile de chameau qui rêve du matin au soir. Le chameau, qui traverse tranquillement cet enfer comme s'il était au bord d'une oasis, s'arrête pile. Toa, crie la femme, je te donnerai de l'argent. Rien du tout. Tu veux avancer, toi? Oui. Beaucoup d'argent, Toa, beaucoup. Sacré chameau, chaque fois que je le traite d'imbécile, il s'arrête. Combien d'argent? Tout ce que j'ai. Tout? Absolument tout. Le jour se lève sur un tout autre paysage. Loup bleu n'en croit pas son œil. De la neige. Pas un arbre, pas un rocher, pas un brin d'herbe. Rien que de la neige, rien que le ciel bleu. D'immenses collines de neige à perte de vue. Une neige étrange, jaune, mais qui craque et crisse à chaque pas et qui glisse en plaques comme la neige de l'Alaska. Et, bien au milieu du ciel, un soleil blanc. Il vous ferme les yeux. Il fait ruisseler Toa le marchand. Maudit désert, sable maudit, ça ne finira donc jamais? Toa marche, plié en deux. Il tient le chameau par la bride et il jure entre ses dents. Ah, l'Afrique, maudite Afrique! Le chameau ne l'écoute pas. Il avance en rêvant. Ce n'est pas un chameau, c'est un dromadaire. Une seule bosse. Ce que Toa a pu lui flanquer sur le dos, inimaginable. Casseroles, lessiveuses, moulins à café, chaussures, lampes à pétrole, tabourets de paille. Une véritable quincaillerie ambulante qui brinque-balle aux oscillations de sa bosse. Et là-haut, tout au sommet de cet amoncellement, assis bien droit, emmitouflé dans un manteau de bédouin, un manteau de laine noire, le garçon qui regarde au loin. Ah, tu es là, pense le loup. J'avais peur que cette canaille ne t'abandonne. Loup bleu a raison d'avoir peur. Plusieurs années ont passé depuis la terrible nuit. Et plusieurs fois, Toa le marchand a essayé d'abandonner le garçon. Il s'y prend toujours de la même façon. Certains matins, quand il est particulièrement en rogne, les affaires ont été mauvaises, le point d'eau est asséché, la nuit trop froide, il y a toujours une bonne raison. Il se lève en silence, roule sa tente de laine brune et murmure à l'oreille du chameau qui somnole. « Allez le chameau, debout, on y va. » Le garçon fait semblant de dormir, il sait ce qui va suivre. « Alors, tu viens ? Oui ?» Toa, le marchand, s'arc-boute sur la bride du dromadaire qui le regarde en mastiquant un vieux chardon. « Tu vas te lever, dis ?» Non, le dromadaire reste couché sur ses genoux. C'est toujours à ce moment-là que Toa brandit un gros bâton noueux. « C'est ça que tu cherches ?» Mais il suffit au dromadaire de retrousser ses babines et de lui montrer ses larges dents plates et jaunes pour que le bâton retombe. « Je ne pars pas sans le garçon. » Voilà ce que dit le silence du dromadaire. Et son immobilité, et son regard tranquille. Alors, Toa s'en va réveiller le garçon d'une tape sèche. « Allez, debout, toi. Tu m'as assez fait perdre de temps comme ça. Grimpe là-haut et ne bronche pas. » C'est que le dromadaire n'accepte personne d'autre sur sa bosse. Le garçon, là-haut, et Toa, le marchand, en bas, à pied, dans le sable brûlant. « Salut, puceron. Bien dormi ?»« Comme l'Afrique. Et toi, casserole, bien dormi ?» Casserole, c'est le surnom affectueux que le garçon donne au dromadaire. Oui, beau sommeil. J'ai fait un rêve intéressant. Bon, on y va ? Allons-y. Casserole déplie ses pattes et se dresse dans le ciel orange. Le soleil se lève. Toa, le marchand, jure, crache et maudit l'Afrique. Le dromadaire et le garçon rigolent. Il y a longtemps qu'ils ont appris à rire en dedans. Vus de dehors, l'un et l'autre sont lisses et sérieux comme les dunes. C'est ainsi qu'il a commencé sa vie. Dans toute l'Afrique, Toa le marchand n'aurait pu trouver un garçon capable de charger et de décharger le dromadaire plus vite que lui. Ni de présenter plus joliment les marchandises devant les tentes des Bédouins, ni de mieux comprendre les chameaux, ni surtout de raconter de plus jolies histoires le soir autour des feux, quand le Sahara devient aussi froid qu'un désert de glace et qu'on se sent encore plus seul. Il raconte bien, non ? N'est-ce pas qu'il raconte bien ? Oui, il raconte bien. Cela a attiré les clients dans les campements de nomades. Toa était content. Hé, hey, Toa, comment l'appelles-tu, ce garçon ? Pas eu le temps de lui donner de nom. Je travaille, moi. Les nomades n'aimaient pas Toa, le marchand. Toa, ce garçon, tu ne le mérites pas. Ils installaient le garçon tout près du brasero. Ils lui donnaient du thé brûlant, des dattes, du lait caillé. Ils le trouvaient trop maigre. Et ils disaient « Raconte ». Alors, le garçon racontait pour eux les histoires qui naissaient dans sa tête, là-haut, sur la bosse de casserole. Ou bien il leur racontait les rêves du dromadaire, qui rêvait toutes les nuits et même parfois en avançant sous le soleil. Toutes ces histoires parlaient de l'Afrique jaune, le Sahara, l'Afrique du sable, du soleil, de la solitude, des scorpions et du silence. Et, quand les caravanes repartaient sous le ciel brûlant, ceux qui avaient entendu les histoires du garçon voyaient une autre Afrique du haut de leur chameau. Le sable y était doux, le soleil une fontaine, ils n'étaient plus seuls, la voix du garçon les accompagnait partout dans le désert. Afrique ! Ce fut au cours d'une de ces nuits qu'un vieux chef Touareg, il avait au moins 150 ans, déclara « Toa, ce garçon, nous l'appellerons Afrique !» Lorsque Afrique racontait, Toa se tenait à l'écart, assis dans son manteau. Mais, à la fin de chaque histoire, il se levait, une écuelle de fer blanc à la main, pour récolter les pièces de bronze ou les vieux billets. « Il fait même payer les histoires de l'enfant !»« Toa, le marchand !» Tu te vendrais toi-même si quelqu'un voulait de toi. Je suis le marchand, grommelait Toa. Je fais mon métier de marchand. C'est vrai que Toa aurait tout vendu. D'ailleurs, un beau matin, il vendit tout. Cela se passa dans une ville du sud, là où le désert cesse d'être de sable. Une autre Afrique. Grise, cailloux brûlants, buissons d'épineux, et plus au sud encore, grandes plaines d'herbes sèches. « Attends-moi !» avait ordonné Toa. « Garde la tente !» Et il avait disparu dans la ville en tenant son chameau par la bride. Afrique n'avait plus peur d'être abandonné. Il savait que Casserole ne quitterait pas la ville sans lui. Pourtant, Quand Toa revint, il était seul. J'ai vendu le chameau. Comment ? Tu as vendu casserole ? À qui ? Ça ne te regarde pas. Il avait un drôle de regard en coin. D'ailleurs, je t'ai vendu toi aussi. Et il ajouta. Te voilà berger maintenant. Après le départ de Toa, Afrique avait passé des heures à chercher casserole. En vain. Mais il n'a pas pu quitter la ville. Il n'aurait pas fait un seul pas sans moi. Il me l'avait promis. Il interrogeait les passants. On lui répondait. Petit, ici, des chameaux, on en vend 2000 tous les jours. Il interrogeait les enfants de son âge. Vous n'auriez pas vu un dromat qui rêve ? Les enfants riaient. Tous les dromats rêvent. Il questionnait les chameaux eux-mêmes. Un dromadaire grand comme une dune. Les chameaux le regardaient de très haut. Pas de petit dromadaire chez nous, mon gars. Rien que de belles bêtes. Et bien sûr, il s'adressait aussi aux acheteurs de chameaux. Un beau dromadaire couleur de sable, vendu par Toa le marchand. Combien ? Demandaient les acheteurs qui ne s'intéressaient à rien d'autre. Jusqu'au moment où le roi des chèvres se mit en colère. Dis donc, Afrique, tu n'es pas ici pour chercher un dromadaire, mais pour garder mes troupeaux. C'était au roi des chèvres que Toa avait vendu Afrique. Pas un méchant homme, le roi des chèvres. Seulement, il aimait ses troupeaux plus que tout au monde. D'ailleurs, il avait des cheveux bouclés de mouton blanc, ne mangeait que du fromage de chèvre, ne buvait que du lait de brebis et parlait d'une voix chevrotante qui faisait frétiller sa longue et soyeuse barbiche de bouc. Il n'habitait pas de maison, mais une tente, en souvenir du temps où il gardait lui-même ses troupeaux. Et il ne quittait jamais son immense lit de laine noire et bouclée. Oui, moi je suis trop vieux, sinon je n'aurais pas besoin de berger. La moindre brebis malade, la moindre patte de mouton cassée, une chèvre disparue, il renvoyait le berger. Tu as bien compris, Afrique. Le garçon fit signe qu'il avait compris. Alors assieds-toi et écoute. Le roi des chèvres tendit au garçon un gros morceau de fromage et une écouelle de lait encore chaud. Et il lui apprit le métier de berger. Afrique resta 2 années entières au service du roi des chèvres. Les habitants de l'Afrique grise n'en revenaient pas. D'habitude, le vieux ne garde pas un berger plus de 15 jours. Tu as un secret ? Afrique n'avait aucun secret. C'était un bon berger, voilà tout. Il avait compris une chose très simple. Les troupeaux n'ont pas d'ennemis. Si le lion ou le guépard mange une chèvre de temps en temps, c'est qu'il a faim. Afrique avait expliqué cela au roi des chèvres. Roi, si tu ne veux pas que les lions attaquent tes troupeaux, il faut leur donner à manger toi-même. Nourrir les lions ? Le roi des chèvres tortillait sa barbe. D'accord, Afrique, ce n'est pas une mauvaise idée. Et partout où Afrique emmenait paître les chèvres, il disposait de gros morceaux de viande qu'il apportait de la ville. Voilà ta part, lion. Ne touche pas à mes brebis. Le vieux lion d'Afrique grise flairait les quartiers de viande sans se presser. Tu es un drôle de type, berger. Vraiment un drôle de type. Et il se mettait à table. Avec le guépard, Afrique eut une conversation plus longue. Un soir, où celui-ci s'approchait en rampant du troupeau avec 1000 précautions, Afrique dit « Ne fais pas le serpent, guépard, je t'ai entendu. » Stupéfait, le guépard sortit sa tête de l'herbe sèche. « Et comment tu as fait, berger ? Personne ne m'entend jamais. »« Je viens de l'Afrique, jaune. Là-bas, il n'y a que le silence, ça rend l'oreille fine. Tiens, je peux te dire que 2 puces se disputent sur ton épaule. » D'un coup de dent, le guépard croqua les 2 puces. « Bien, » dit Afrique. « Il faut que je te parle. » Impressionné, le guépard s'assit et écouta. « Tu es un bon chasseur, guépard. Tu cours plus vite que tous les animaux et tu vois plus loin. Ce sont aussi des qualités de berger. » Silence. On entendit barrir un éléphant, très loin, puis des coups de fusil. « Chasseurs étrangers, » murmura Afrique. « Oui, ils sont revenus, » dit le guépard. « Je les ai vus hier. » Il y eut un moment de tristesse. Guépard, si tu faisais le berger avec moi. Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Afrique regarda longuement le guépard. 2 larmes anciennes avaient laissé des traces noires jusqu'au coin de ses lèvres. Tu as besoin d'un ami, Guépard, et moi aussi. Voilà, c'est ainsi que cela s'était passé avec le Guépard. Afrique et lui étaient devenus inséparables. Les plus jeunes chèvres ne pouvaient suivre le troupeau quand les pâturages étaient trop éloignés. Elles se fatiguaient, elles traînaient en route, et les hyènes, qui n'étaient jamais loin, se léchaient les babines en rigolant. Le guépard en avait assez de faire des allers et retours pour chasser les hyènes. Les chevrettes les plus fragiles étaient aussi les plus belles et les plus rares. C'était une race spéciale que le roi des chèvres appelait « mes colombes d'Abyssinie ». Il passait des nuits blanches à l'idée qu'il pût leur arriver quelque chose. « Roi, j'ai une idée pour protéger tes colombes. » Afrique expliqua. « Il faut laisser les plus jeunes en arrière. » Le roi des chèvres s'en arracha 3 poils de barbe. « Toute seule, en arrière? Tu es fou. Et les hyènes ?»« Voilà justement mon idée. Je dépose les chevrettes dans les plus grands buissons d'épineux et les hyènes ne peuvent pas les toucher. » Le roi des chèvres ferma les yeux et réfléchit très vite. « Voyons, toutes les chèvres broutent les épineux, elles ont des mâchoires à broyer des clous, les épines n'abîment pas leur fourrure, et s'il y a une chose que les hyènes ne supportent pas, c'est bien les épineux. Une bonne idée, pas de doute. » Il regarda de nouveau Afrique en lissant sa barbe et demanda « Dis-moi, Afrique, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette idée avant toi ?» Afrique contempla les yeux du vieillard, si usés, si pâles, et répondit doucement. C'est que le berger maintenant, c'est moi. Toi, tu es le roi. La tête de l'hyène regardant le buisson d'épineux valait la peine d'être vue. Alors là, non, Afrique. Cette chevrette sous mon nez et une colombe d'Abyssinie encore. Une pareille tentation, ce n'est vraiment pas gentil de ta part. Elle salivait tellement que les fleurs auraient pu pousser entre ses pattes. Afrique lui tapota le front. « À mon retour, je t'apporterai le reste du vieux lion. Les lions sont comme les riches, ils laissent toujours quelque chose. » Le guépard, qui n'aimait pas l'odeur de l'hyène, fronçait les sourcils. « Berger, tu ne devrais pas parler avec ça. »« Je parle à tout le monde. »« Tu as tort, moi je n'ai pas confiance en ça. » Le troupeau se remit en marche. Le guépard jeta un dernier regard méprisant à l'hyène et dit « De toute façon, aucune importance. Moi vivant, personne ne mangera une de tes chèvres. » Voilà. Le temps passait. Le troupeau prospérait. Le roi des chèvres dormait paisiblement. Tout le monde était content. Y compris l'hyène qui se régalait avec les restes du lion. Elle prétendait même qu'elle ne restait à côté des épineux que pour garder elle-même les colombes d'Abyssinie. Le guépard secouait la tête en levant les yeux au ciel. « Parfaitement !» protestait l'hyène. « Et s'il arrivait quelque chose aux colombes, je serais la première à te prévenir, berger !» Tout le monde dans l'Afrique grise connaissait le petit berger. Une vraie popularité. Le soir, quand Afrique allumait ses feux, il ne fallait pas longtemps pour que les ombres noires se glissent jusqu'à lui. Ce n'étaient pas des voleurs, ce n'étaient pas des animaux affamés. C'était la foule de ceux, hommes et bêtes, qui venaient écouter les histoires d'Afrique, le petit berger du roi des chèvres. Il leur parlait d'une autre Afrique, l'Afrique jaune. Il leur racontait les rêves du dromadaire casserole, mystérieusement disparu. Mais il leur racontait aussi des histoires de l'Afrique grise, qu'il connaissait mieux qu'eux, bien qu'il n'y fût pas né. Il raconte bien, non? N'est-ce pas qu'il raconte bien? Pour ça, oui, il raconte bien. Et l'aube venue, quand chacun repartait de son côté, c'est comme s'ils restaient ensemble. Un jour, le gorille gris des savanes interrompit une histoire. « Dis donc, berger, tu sais qu'il existe une autre Afrique, une Afrique verte, des arbres partout, haut et touffu comme des nuages. J'ai un cousin là-bas, un grand costaud au crâne pointu. » « Une Afrique verte? On n'y croyait pas trop. Mais le gorille gris des savanes, on le contredisait rarement. Bizarre la vie. On vous parle d'une chose que vous ignoriez complètement, une chose inimaginable, presque impossible à croire, et À peine vous en a-t-on parlé, voilà que vous la découvrez à votre tour. L'Afrique verte. Le garçon allait bientôt la connaître, l'Afrique verte. Fin du deuxième épisode. Oh non! Et si,